On va parler de Ligue canadienne de football. On va parler des Lions de la Colombie-Britannique avec un joueur de la région qui se trouve. C'est David Ménard. Salut David. Salut, ça va bien? Ça va bien? Hey David, question avant de commencer à parler de football. Les feux en Colombie-Britannique, est-ce que c'est aussi pire qu'on le dit ou ça commence à être vraiment problématique? Ben écoute, nous, c'est sûr que dans la région où ce qu'on est, c'est pas, on voit pas les feux, on n'est pas affecté par les feux en tant que tel. OK. Par contre, on va être très affecté par la fumée, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. La fumée, c'est vraiment quelque chose d'assez embarrassant, je te dirais, depuis une grosse semaine, peut-être même deux, puis les derniers jours, même quand on pratique dehors, nous, parce qu'on est à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui nous affecte. On ressent vraiment l'effet de la boucane, oui. OK. Parce que ça va jusque dans l'ouest. Ça reflète tout l'ouest du pays. Les Alouettes ont failli pas jouer à Edmonton la semaine passée, là. Oui, exactement, c'est ça. Ben nous aussi, on est un peu affecté par ça. C'est sûr que nous, on demain, ben après-demain, on va jouer à l'intérieur. Donc, Ouais. il devrait pas avoir de problème de ce côté-là. Puis il annonce la pluie, donc ça va nous aider un peu de ce point de vue-là. Mais quand on pratique, c'est dur sur les poumons. Là, on se sent un peu comme des fumeurs là, quand on sort de la pratique. Donc, on espère que ça va se replacer. David, les Lions de Colombie-Britannique ont pris une grosse décision. Au début de la saison, c'était Jason Jennings qui était au poste de quart. Wally Buono a décidé d'y aller avec Travis Lewley. Puis ça se replace pas mal du côté des Lions, là. Oui. Oui, ben Travis, écoute, ça a toujours été un excellent carrière. Si c'était pas des blessures qu'il a subies malheureusement dans les dernières années, ça serait un carrière d'élite. Puis tu sais, il y aurait aucun doute là-dessus. Mais tu sais, ça reste un très bon carrière, même s'il a subi beaucoup de blessures. Il a été malchanceux un peu de ce côté-là, mais ça reste un excellent joueur quand même, donc l'organisation lui fait confiance à 100%. Là, BC, vous avez, heureusement, vous avez gagné les deux derniers matchs, entre autres. Vous avez resserré un peu le classement, puis vous n'avez pas le choix, là, parce que je regarde le classement. Les Stamps sont tout seuls. Edmonton connaît une bonne saison. T'as Winnipeg, Saskatchewan, les Colombie-Britanniques. Donc, le classement est très, très serré. Vous n'aviez pas le choix, là, de rebondir très vite, là. Oui, ben on n'a encore pas le choix en fait. Ouais. Tu sais, tu parles un peu au passé, mais nous on est encore dans cette réalité-là qu'on n'a pas le choix de rebondir à chaque semaine, parce que la semaine dernière contre Toronto, on l'a échappé par un point, puis c'est une très très grosse défaite qui pourrait nous faire mal à long terme, puisque Saskatchewan ils ont gagné contre Calgary cette semaine, donc là on À chaque semaine depuis quelques temps, nous on s'est vraiment on se doit d'aller chercher la victoire à chaque fois là, pour être capable de remonter le classement. Okay. David, pourquoi as-tu une idée là-dessus? L'Ouest est toujours. Moi, ça fait 30 ans que je suis les Canadiens de football, là. L'Ouest est toujours plus compétitif que l'Est. Je comprends. Marc, il gagne plus. L'Est a gagné les deux dernières Coupes Grey. Par contre, hein, il va y avoir un crossover encore cette année. Il va y avoir une équipe de l'Ouest qui va Bon, traverser dans l'Est. Comment ça se fait que l'Ouest est toujours plus fort, qu'il est toujours plus compétitif? C'est une raison particulière. C'est bizarre, hein? excellente question. Je pourrais pas vous répondre. Je sais pas. C'est pas J'aimerais ça trouver des raisons à ça pour être smart, mais non, je n'ai pas la réponse à ça. Je peux même pas vous dire okay. un semblant de réponse par rapport Le à ça. fait que Wally Buono est à sa dernière année en Colombie-Britannique, il a pris sa retraite. Est-ce que les gars, ils s'en parlent, c'était un des plus grands, sinon le plus grand entraîneur de l'histoire des Canadiennes. C'était un excellent directeur général également. Le fait que Wally Buono prend sa retraite, est-ce que du côté des joueurs, on y met un petit. C'est une source de motivation? Écoute, je pense que je te mentirais, je te dirais que oui. Mais les joueurs, on n'a pas vraiment besoin d'un prétexte comme ça pour avoir envie de gagner. Je pense que si tu es un bon joueur, moindrement compétitif, tu as le goût de gagner à chaque année, que ce soit un entraîneur-chef qui coach sa première game de football ou bien justement, comme dans le cas de Wally, un vieux de la vieille, si on veut, qui a beaucoup de records à son actif, qui est amené à ses à sa dernière année, en fait. Donc, tu sais, on n'a pas besoin d'une situation comme ça pour être motivé. Là. En tout cas, moi, je parle pour moi-même, mais okay. De ce que je ressens à l'équipe, c'est on veut gagner, peu importe la raison. C'est okay. On est une équipe compétitive, donc on veut gagner. Quel genre cassé d'entraîneur? Ben, c'est sûr qu'au fil du temps, il a dû s'adapter aux joueurs d'aujourd'hui. Mais Wally, c'est quel genre d'entraîneur cassé pour avoir connu une si belle carrière? Mm-hmm. Quel genre de gars que c'est? C'est-tu un gars exigeant? C'est-tu un gars, un player's coach qu'on appelle? C'est quoi, en fait? Les petits détails? C'est un vieux de la vieille. Il a encore sa vieille mentalité. Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas le type de coach qu'on connaît de nos jours. Là. C'est, okay. Justement, il a connu son succès. Il a un peu gardé cette approche-là. Oui, c'est sûr qu'il s'est... Il s'est adapté au courant de sa carrière, mais ça reste quand même un vieux de la vieille. Comme on dit, on travaille fort, puis il y a certains principes qui décrochent pas. Puis, mais tu sais, c'est correct, il connaît du succès comme ça, il a connu du succès comme ça, puis c'est un peu à nous à s'adapter aussi par rapport à ça. Là. Mmh. Chaque coach a ses petites particularités, puis les joueurs, on s'adapte. Il doit avoir un certain respect également parce que c'est Wally Buono, là, aussi. Là. Il parle d'abord des joueurs, là. Ça doit être un peu quelque chose. Hey, ta saison, comment elle va, David? Moi, personnellement, c'est pas une saison qui est nécessairement facile. OK. J'ai pas joué beaucoup depuis le début de l'année, je te dirais. Puis je connais pas vraiment les raisons derrière ça. On a un peu une nouvelle équipe un peu cette année. Il y a certaines choses qui ont changé. Je sais pas si les coachs en défensive ils veulent garder leur partant plus sur le terrain puis rouler un peu moins. Mais moi personnellement, j'ai pas le même temps de jeu que j'avais les dernières années, même si j'étais capable de produire à toutes les fois que j'étais sur le terrain les années passées. Là, cette année, c'est un peu différent. Donc mentalement, c'est un défi. C'est sûr que c'est challengeant que quand t'es plus sur le banc puis d'essayer de rester motivé puis de toujours travailler plus fort, mais ça forge un peu mon caractère en ce moment, puis je puise dans ma détermination pour être capable de m'améliorer, puis c'est un peu un mal pour un bien, je dirais. OK. Est-ce que, dans le fond, est-ce que tu as eu des discussions avec les entraîneurs des Lions? Comment se fait-il que tu as moins de temps de jeu? Non, j'ai pas okay. encore eu ce genre okay. de discussion-là, non. Le fait que tu es un joueur canadien, ça peut t'aider aussi. Ben, David, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la fin de la saison. Puis on espère que ça va se replacer davantage pour toi. Oui, moi aussi, merci beaucoup. David Ménard, des Lions de la Colombie-Britannique et natif de la région.